Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture vraiment emblématique, une icône, la Volkswagen Golf 8. Mais attention, pas n'importe laquelle. On va analyser un modèle très spécifique, un véhicule qu'on connaît d'ailleurs très bien ici chez UTAC. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce qui fait d'elle une référence, de comprendre son héritage, sa motorisation et surtout le confort qu'elle propose. La Golf, c'est vrai que c'est une légende. On la présente souvent comme le maître étalon de sa catégorie. Et cette huitième génération, elle semble très fidèle à cette réputation. Absolument. La mission des ingénieurs, c'était pas de la révolutionner, hein, c'était de la sublimer. De la perfectionner, en quelque sorte. Exactement. Le design est très épuré. On la reconnaît au premier coup d'œil, mais ça cache une vraie avancée technologique. C'est cet équilibre, je trouve, entre la robustesse allemande et l'efficacité moderne qui est fascinant. Alors, parlons-en de cette efficacité. Sous le capot, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors là, on a un bloc diesel 2.0 TDI de 115 chevaux. Avec une boîte manuelle à 6 rapports ? C'est ça. Et c'est un choix très très pertinent. Ah oui ? Parce que le diesel, on a l'impression que c'est un peu dépassé aujourd'hui. Certains le pensent. Mais ce moteur, c'est le secret des grands rouleurs. Il offre un couple très généreux, ce qui veut dire des dépassements sécurisants. D'accord. Et une consommation minimale. C'est idéal pour les longs trajets. En plus, ce modèle, qui a été mis en circulation fin 2023, n'a que 20 000 km. Il est comme neuf. Voilà. Et avec ses faibles rejets de CO2 à 112 grammes km, il est dispensé de tout malus écologique. C'est vraiment le choix de la raison. D'accord, donc un moteur rationnel. Passons à l'intérieur. On est sur une finition MOVE. C'est l'équivalent de la finition LIFE en France, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Et là, l'accent est vraiment mis sur le confort au quotidien. Et l'équipement le prouve. Ah oui, c'est là que ce modèle se distingue vraiment. On retrouve un véritable luxe pour l'hiver. Je pense savoir de quoi vous parlez. Les sièges et le volant chauffant. Le genre de détail qui change une matinée de janvier. Tout à fait. Et au-delà de ce confort thermique, il y a la technologie d'aide à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'ACC ? Oui, ça c'est un atout majeur, surtout dans la circulation. Il gère automatiquement la distance avec le véhicule qui précède. Il freine, il accélère. Ça change la vie dans les bouchons ? Ça repose énormément. Et si on ajoute à ça la climatisation automatique Bizone, le grand écran tactile avec Apple CarPlay et Android Auto, qui sont devenus indispensables. Les jantes alliage 16 pouces, les feux LED, on a une voiture qui est ultra équipée. Elle est prête à prendre la route immédiatement. Donc si on résume, cette Golf 8 TDI 115 MOVE, c'est la promesse d'une mobilité fiable, économique et remarquablement confortable. Voilà. C'est ça. Elle incarne un équilibre parfait entre, d'un côté, l'héritage d'une icône et de l'autre, les technologies d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça soulève une question que je trouve assez intéressante pour la suite. Ah oui, laquelle ? À l'ère du tout électrique, quelle place une motorisation diesel aussi optimisée peut-elle encore occuper dans nos usages de demain ? C'est une excellente question pour réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette présentation. À très bientôt.